Beaux petits yeux d'écarlate, belle bouche grande et plate, joli nez retroussé, beau menton rebroussé, chevelure de filasse, bras maigres, laids et molasses, mains plus sèches que Brésil. Là, je te tombe dans la trombe, si mon cœur qui m'est secouru dans ce péril. Sauvons-nous, mes amis, si nous savons nager. La vieille Proserpine, pour nous submerger, a fait tomber sur nous un déluge d'urine. La peste, la rogne dans le monument.